faire c'est du business. Il y a un gros paquet de fric à se faire là. Je pensais que tu voudrais en être. Le fric, mon gars, c'est rien d'autre que des bouts de papier avec des gueules de petits blancs dessinés dessus. Et cette brique vaut pas toutes les emmerdes qui vont. J'ai essayé de la jouer honnêtement. Je suis allé de l'autre côté et tu sais ce que j'ai appris. Le jeu est truqué. C'est pas fait pour les gens comme nous, alors moi, je change les règles, j'en écris d'autres. Akiga, Jack, pas lourd, léger. Hein? Le diable est truqué, arrêtez d'écouter tous ces mythos. Je fais manger tout le monde dans la cité, même devant les condés, je fais pas de mythos. J'assume tous les frères qui les tournent. Le four ferme à pas d'heure en été. Y'a des me arrêt, des ordres à stocker. J'frappe la CR, j'y rentre par l'autoki. J'ai construit mon navire comme Floki. Le check-out est glissant comme mon hockey. J'suis en pétard et personne n'est choqué. J'côtoie des trafiquants et des shooters. Faut la Rolex avant les 30. Insolent, j'en ai 4. Le détard connaît toutes ces plaques. Quand j'te parle des restes, c'est pas une blague. J'arrive en full, c'est moi le crack. J'suis en Hermès de la tête aux pieds. L'argent nous a fait vaciller. Des régleurs, on a plus la valeur des billets. J'ai monté les sous, brique par brique. Donc, on prend des boîtes sur boîte. Le réseau s'étend jusqu'en Afrique. Port de Moroni, j'ai mon contact.